des fils de Pachat Moab, Adna, Kelal, Benaja, Maazéja, Matania, Betsalil, Binui et Manassé. Des fils de Harim, Eliezer, Jishija, Malkija, Shemaéja, Siméon, Benjamin, Maluk et Shemaria. Des fils de Hashum, Matnaï, Matata, Zabad, Eliphelet, Jérémaï, Manassé et Shimei. Des fils de Bani, Madaï, Amram, Uel, Benaja, Bédia, Kelu'u, Vania, Meremoth, Eliashib, Matania, Matnaï, Jaazaï, Bani, Binui, Shimei, Shelemia, Nathan, Adaja, Maknadbaï, Shashaï, Sharaï, Azaril, Shelemia, Shemaria, Shalem, Amaria et Joseph. Des fils de Nebo, Jeiel, Matitia, Zabad, Zébina, Jadaï, Joël et Benaja. Tout cela avait pris des femmes étrangères, et plusieurs en avaient eu des enfants.